Chapitre 14e. Pérez s'attarda au bureau ce soir-là. Elle rédigea pour le patron un rapport détaillé, reprenant l'affaire depuis ses débuts, relatant avec concision les résultats des analyses et les hypothèses formulées par l'équipe. À son avis, elle ne voyait pas le bien fondé d'une mise en examen ni d'une garde à vue, les preuves de la culpabilité de Canepao ou de Nadine Anzelouti étant fortement sujettes à caution. Elle rédigea également un rapport à peu près analogue pour le juge, mais elle se réservait la possibilité de le lui présenter verbalement, histoire de faire connaissance avec ce jeune magistrat. Le lendemain, vers les 10 heures, Volpi la convoqua dans son bureau. Il se leva et alla à sa rencontre. Avec ses talons, Pérez était aussi grande que lui, ce qui rendait le rapport de hiérarchie un peu difficile pour Volpi. Avoir en face de soi quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux, à la même hauteur, vous place forcément sur un pied d'égalité. Pour compenser, autant par plaisanterie que par esprit de domination, Volpi se sentait obligé de lui envoyer de temps à autre quelques flèches acrimonieuses. Il ne se doutait pas que le mental de Pérez n'était pas proportionnel à sa taille physique. Elle savait garder un visage de marbre, mais les piques restaient profondément enfoncées dans son cœur. Peut-être que si elle arrivait à pleurer sur son épaule, il baisserait définitivement sa garde et la prendrait dans son giron. C'était peut-être ce qu'attendait Volpi, en bon macho, mais elle ne le faisait pas, plus par pudeur que par fierté. « J'ai lu votre rapport attentivement. Quand les faits sont couchés sur le papier, on voit mieux ce qui a pu nous échapper à tous. Effectivement, la culpabilité de Canepao ne peut être prouvée de façon certaine. La seule issue que nous aurions pour l'instant, ce sont les abeux. Et je ne suis pas persuadé qu'une garde à vue, même de 72 heures, nous permettrait d'en obtenir. Pour l'instant, il faut s'en tenir aux éléments sûrs de l'affaire. Les traces ADN prouvent que l'arme a été manipulée par quelqu'un d'autre que Canepao. Soit elle a été volée, disons empruntée plutôt, à l'insu de Canepao, soit elle était prêtée au tueur afin qu'il puisse opérer. Dans ce cas tout à fait plausible, la culpabilité de Canepao est lourdement engagée. Êtes-vous capable de me démontrer le contraire pour l'instant ? Non, mais s'étonna Pérez. Or, ce qui vient détruire cette hypothèse, c'est l'arme utilisée par le même assassin pour tuer Anna. Je pense que si ce crime avait été commandité par Canepao, il aurait été exécuté dans la foulée, avec la même arme. Logique, non ? Bien. Bien sûr, patron. Mais c'est ce décalage entre les deux meurtres qui laisserait penser qu'ils ne sont pas directement liés. Exact. On dirait que le tueur a été obligé de faire une chose qui n'était pas prévue. Il s'est donc procuré une autre arme là où il en a trouvé une. Voilà, vous me suivez, Pérez. On l'a peut-être aiguillé pour trouver cette arme. Ce guet-apens avec coup de pétard à la portière ne ressemble pas à un coup longuement prémédité. Peut-être pas longuement, mais prémédité tout de même, patron. Il fallait bien penser à voler une arme pour ce meurtre, remarqua Pérez. Et puis, il fallait être là au bon moment. Oui, c'est vrai, capitaine. Mais ce n'était peut-être pas le meurtre d'Anna qui était projeté. Disons qu'elle était gênante dans le décor. Allez savoir. Ma foi, s'exclama Pérez, je n'en sais pas plus que vous, patron. En tout cas, reprit le capitaine, l'arme a été manipulée, voire volée par un enfant. Le meurtrier, bien entendu, a mis des gants et n'a pas laissé d'empreinte. Volpi finit par s'asseoir au bord de son bureau et proposa un fauteuil à Pérez. Ainsi, il dominait à nouveau la situation, enfin presque. Enfin presque, parce que Pérez croisait les jambes qu'elle avait grandes et bien galbées, gainées de bas noirs transparents, avec des escarpins vernis. Le tout formait un must d'élégance sexy qui alluma le regard de Volpi, bien qu'en hauteur il se sentait diminué par ses mâles instincts. « Je ne le sens pas, ce gosse-là, au milieu, » finit-il par dire. « Le petit frère, peut-être, ou le petit-fils. »« Ouais, bizarre, » reprit Volpi, qui s'assit derrière son bureau pour ne pas voir les jolies jambes de Pérez. « Vous embarqueriez votre frère ou votre petit-fils dans une histoire pareille, vous ?» avec des empreintes si visibles. Dans ce cas, j'ai peine à croire que le tueur soit italien. Le sang de la famille est tout-toutim. Vous me suivez, Pérez? Oui, très bien. Je dois interroger Nadine Anzelouti cet après-midi. Je verrai bien s'il en sort quelque chose. Ok, Michel, tenez-moi au courant. Bien évidemment, fit-elle en se levant pour prendre congé. Tiens, remarqua-t-elle, il m'appelait par mon prénom. L'après-midi, comme prévu, Nadine Anzelouti se présenta au bureau de Pérez. Elle était vêtue simplement, Mais un œil exercé remarquait d'emblée la qualité irréprochable de ses vêtements. Elle donnait l'impression d'être assez déstabilisée de savoir que l'arme de son mari avait servi au meurtre d'Anna. Même si elle ne la portait pas dans son cœur, et si elle avait eu envie de la tuer dans un moment de colère, la disparition brutale et sanguinaire d'Anna la mettait mal à l'aise. Le capitaine l'informa des analyses d'empreintes. Nadine se doutait déjà du résultat, puisqu'elle avait manipulé ce revolver, mais elle parut très surprise de la présence d'empreintes enfantines sur l'arme. « Vous pouvez m'expliquer cela, madame Anzilouti ?» demanda Pérez. Nadine réfléchit un moment, puis son visage s'éclaira. « Le seul enfant qui soit venu chez moi est le petit négro qui accompagnait le curé. » Pérez fronça les sourcils, intrigué par les appellations de négro et de curé. Elle demanda confirmation. « Si je vous suis bien, un curé est venu chez vous avec un petit noir, c'est ça ?»« Exactement. » »« Enfin, je vous dis que c'est un curé, mais ce n'en était peut-être pas un. » Il en avait l'air, en tout cas. Et puis il m'a dit qu'il s'occupait d'enfants du tiers-monde. C'est pourquoi je n'ai rien trouvé de bizarre à ce qu'il soit avec un petit négro. Dites un enfant noir, madame, s'il vous plaît. Vous pourriez me les décrire de la façon la plus précise possible. Le curé, d'abord. C'est un homme de l'âge de mon mari, à peu près, plutôt grand. Les cheveux blancs, un peu longs avec une petite barbiche. Les sourcils très noirs et fournis. Les yeux noirs, je crois, très enfoncés. Assez maigres. Il marchait un peu voûté, avec les mains derrière le dos, vêtu un peu comme un clodo. J'ai bien failli le mettre à la porte. Si je l'avais pas pris pour un curé, vous a-t-il dit de façon explicite qu'il était curé ou est-ce que vous l'avez imaginé? Franchement, je ne sais plus. En tout cas, il parlait très mal le français. C'est un étranger, c'est sûr, un roumain ou un croate, enfin, il roulait l'air. Et l'enfant? Le gamin, une dizaine d'années, peut-être plus, allez savoir. Un gosse qui avalait une pile électrique, continuellement en mouvement, les yeux qui roulaient comme ceux d'un fou. Je me demande s'il était vraiment normal. Néanmoins, il obéissait au curé au doigt et à l'œil. Il furetait de tous les côtés, et j'ai eu du mal à le surveiller. Quand le curé était d'un côté, il était de l'autre. Mais qu'est-il venu faire chez vous, ce curé? Il est venu chercher les vieux vêtements de mon mari. Ah bon? Et comment savait-il qu'il y avait des vêtements à prendre? Bah, je sais pas. Peut-être les voisins qui lui ont dit. Je n'ai pas compris tout ce qu'il m'a raconté. De notre côté, ça m'arrangeait, alors je l'ai laissé faire. Vous l'avez entendu parler, le gosse? Oui. Il parlait un peu comme un petit voyou. Il avait une casquette à l'envers sur la tête, noire de crasse. C'est certainement un gosse que le vieux a dû ramasser sur un trottoir. Et vous ne vous êtes pas plus méfié que ça? Ben non. Mais en ce moment, je ne suis pas au top. Comment sont-ils venus? Dans une vieille bagnole bleu pâle. Et ils l'ont rempli avec les sacs de vêtements. Ils étaient vraiment bizarres, tous les deux. Tout d'un coup, ils ont décidé de partir subitement, alors qu'il restait encore des affaires à prendre. Pérez prenait des notes. Enfin, quelque chose de concret. Il fallait tirer le maximum du témoignage de Nadine Anzilouti. Vous auriez dû vous méfier un peu plus. Le gamin a certainement dû tripoter votre arme. Mais ça ne prouve pas qu'il l'ait volée. Attendez, madame. Ils sont revenus en fin d'après-midi. Le vieux voulait débarrasser le garage. Et vous les avez laissés faire? Ben oui. Je dis que je ne suis pas très cohérente en ce moment. À quelle heure exactement sont-ils venus la première fois? Il devait être 2 heures de l'après-midi. Quelques minutes après leur départ, Anna est passée. Elle aussi voulait récupérer des vieux trucs. C'est peut-être elle qui vous a envoyé le curé? Non, puisqu'elle m'a demandé comment le joindre pour débarrasser chez elle. Et quand sont-ils revenus? Vers 5h30 environ. Donc, après la mort d'Anna, soliloqua Pérez. Peut-être, oui, puisque vous le dites, ajouta Nadine, qui avait entendu la remarque. Pérez se bascula en arrière, rejeta ses cheveux, posa son stylo, puis regarda intensément Nadine. Madame Anzilouti, il est plus que probable que ces deux individus vous ont volé le revolver. S'en sont servis pour assassiner Anna, l'ont remis à sa place, leur coup fait. Nadine parut réfléchir. L'hypothèse du capitaine était tout à fait plausible. Eh oui, malheureusement, c'est bien possible. J'aurais dû me débarrasser tout de suite de ce revolver. C'est ce sale gosse qui a fait le coup. Je voyais bien qu'il furetait partout comme un rat. C'est regrettable, bien sûr. Mais si ça n'avait pas été votre arme, ça en aurait été une autre, vous le comprenez bien. Anna était condamnée, de toute façon. Mais pourquoi? C'est là le vrai problème. Mon mari non plus. Je ne sais pas pourquoi on l'a assassiné. Pérez prit la main de Nadine en signe de réconfort et d'apaisement. « Quoi qu'il en soit, Grâce à vous, nous avons maintenant un signalement assez précis. J'espère que nous allons pouvoir leur mettre la main dessus. Nous allons compléter votre témoignage par celui des voisins. Ils les ont peut-être vus aussi. Oui, c'est sûr, ma voisine m'en a parlé. En fin de soirée, Pérez fut reçu dans le bureau du juge. Accueil cordial, sympathique et bon enfant. Assez petit, l'œil vif et un rien coquin, à l'aise dans son complet bien coupé, l'homme ne semblait pas du tout être complexé par sa taille. Il promena sur Pérez un regard amusé et flatteur avec l'air de penser « Ça, c'est une femme !» Mais, après cette présentation, il eut une attitude toute professionnelle et écouta attentivement Pérez. Il la conforta dans l'idée que déférer Canéparo n'aurait rien apporté à la marge de l'enquête. En revanche, le témoignage de Nadine Anzilouti lui paraissait des indices intéressants. Pérez rentra chez elle vers 19h après une journée bien remplie. Après son divorce, elle l'avait acheté, grâce à l'héritage de la grand-mère et à ses quelques économies, un bel appartement neuf, spacieux et lumineux dans le quartier de la Bridasque. Elle prit une bonne douche et s'allongea un moment dans son canapé, toute lumière éteinte, les stores ouverts. Elle aimait regarder les fenêtres s'éclairer et s'éteindre, chaque lumière correspondant à une vie, alors que le jour, les façades d'immeubles étaient impersonnelles. Seule dans l'obscurité, elle éprouvait un peu le plaisir du voyeur, tout en se sachant invisible. Puis elle se rendit dans la cuisine en n'éclairant que le plan de travail. Elle se mit à éplucher des courgettes pour les poêler avec un blanc de poulet. L'enquête commençait à tourner dans sa tête. Elle repassait la rédaction de son rapport, les entretiens avec Volpi et le juge. Elle sentait confusément qu'il y avait une zone d'ombre, un blanc, une faille dans son enquête, un trou que personne n'avait relevé. Elle avait bâti un mur dans lequel il manquait une brique, mais laquelle ? Elle en était là de ses réflexions quand on sonna. Au visiophone, elle reconnut Fabregue. « Oui, Fabregue, » dit-elle simplement. « Je vous apporte des légumes, » répondit-il en présentant une cagette devant l'objectif. « Je t'ouvre. » Fabregue entra dans l'appartement, les bras chargés d'un plateau débordant de légumes. « C'est mon grand-père. Il a un potager au granit. Il ne sait plus quoi faire de ses légumes. J'en ai plein le coffre. Comme avec ma femme, on ne cuisine que le soir. Nous allons les laisser pourrir. Autant faire profiter les amis. Merci, c'est gentil. Comme vous êtes sur le chemin de la maison, j'ai pensé m'arrêter chez vous. » Pérez prit la cagette. Les légumes pourriraient aussi bien chez elle, mais il ne fallait pas refuser un don, pensa-t-elle. Sans attendre l'accord de Fabregue, elle sortit une bouteille de whisky et deux verres, s'assit à la table de cuisine et invita Fabregue à en faire de même. « Juste un doigt, » précisa-t-il. Pérez mit les coudes sur la table, les poings sous son menton, et regarda le lieutenant entamer son verre. « Capitaine, il faut que je vous dise quelque chose. « Voilà. J'aime bien travailler avec vous. « Oh, merci. « Oui, ça me plaît parce que je vous aime bien, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Allez, » fit-elle en levant son verre. « Elle a réussi de notre enquête et au futur bébé. » Façon comme une autre de rappeler à Fabregue qu'il était marié, au cas où il se mettrait à fantasmer. « Nous avons déjà tout préparé, » dit Fabregue en parlant de l'enfant. « Oui, bien, ne préparez pas trop quand même. Ma grand-mère disait que ça porte la choukoumoun. » De temps à autre, Pérez, d'origine pied-noire, laissait échapper des mots du vocabulaire familial. Mais le lieutenant était fin et comprit parfaitement l'allusion au bébé faite pour couper court à une éventuelle déclaration. « Non, capitaine, ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous aime bien parce que vous travaillez comme un homme. Et je dois prendre ça comme un compliment. C'est pas très gentleman. Mais alors dites-moi comment devrait travailler une femme. Non. Je veux dire qu'on peut vous parler directement. Vous ne faites pas de chichi. Vous savez être juste avec tout le monde. Vous n'avez pas d'état d'âme. Enfin, vous ne les montrez pas. Eh bien, ce sont là des qualités toutes féminines, mon cher, sans aucun doute. » Il lui sourit et il sentit dans son regard une réelle affection. « J'espère que je ne serai pas muté ailleurs, » conclut-il. « Dis-moi, Fabregue, tu n'as pas l'impression qu'il y a un trou dans l'enquête, qu'on a raté une étape ?» Fabregue réfléchit en regardant le fond de son verre. « Non, capitaine, comme ça, froid, je ne vois pas, mais je vais y réfléchir. « Merci, lieutenant, c'est sympa. » Elle dîna, puis s'allongea de nouveau dans le canapé en contemplant les lumières du quartier. Dans la demi-obscurité, l'enquête recommença à tourner dans sa tête. Elle reprenait les événements en un. Qu'est-ce qui clochait ? Vers 10h, elle se résolut à se coucher. Mais au bout d'une heure, sentant la ronde des actes manqués l'envahir, elle se dit que s'il ne faisait rien, ce serait encore un coup de 4h du mat. Elle prit un demi-somnifère pour couper les ailes de ses pensées obsessionnelles. Et soudain, alors qu'elle était à demi-consciente, elle s'exclama « Putain, ça y est, je sais !» Puis elle quitta enfin la rive. Demain serait un autre jour.